qu'un gargal. Je suis comme ce klebs dans la foule, comme une tête dans la houle, comme un corps dans une housse. Je suis comme une gaz qui t'asperge avec trop de CS. Je suis comme un sas, comme un rail SNCF. SKFUL, rap de fort sur un beat. Laisse les bâtards spandre, laisse les bouffons sur un vide. Gargalement sur le terrain, une spéciale pour la douche vient. A tous les mecs du terrain, je représente. On fait ce qu'il faut donc je suis pas le tapin. Ceux qui aiment l'adrénaline, car on aime tous l'odeur des talbins. Toutes choses, constate la vie t'a laissé comme une bête féroce. Qu'est-ce qui te pousse à détester les autres? C'est pas ce qu'ils font mais ce qu'ils vivent. C'est quoi ce petit con, petite qui? Donc en clair laisse-moi vivre. L'amour propre se négocie pour une poignée d'euros. Ça trahit, ça s'aggrave, tout ça entre deux rôles. Donc en bref j'ai que mon rap pour me confier. Je suis pas fier quand mes potes font coffrer. Je suis pas fan des Watford, ni de Chantal Goya, ni des Miss Monde samedi soir. Ils se font bouillave. Tu pètes un câble et t'es lassé. Tu veux qu'on parle mais tu restes caché. Tu veux qu'on batte mais tu restes effacé. Tu pètes un câble ou t'es lassé. Tu veux qu'on parle mais tu restes caché. Tu veux qu'on batte mais tu restes effacé. Tu pètes un câble mais t'es lassé. Tu veux qu'on parle mais tu restes caché. Faut que j'évite la barre. Trop de balance sur un coup de fil. Mais qu'est-ce que tu gardes mon apparence de profil? Y'a plus de partage pour la semence fertile. Comme mon groupe prend un mic c'est facile. Si tu crois qu'on fait du rap pour faire style, tu m'en es pas du rap mais futile. On monte la barre à l'unanime. Pas de rap fanfare trop alpine. Pour moi méga valo ma ville. Devine pourquoi la plupart des villes la voix du din. Je suis comme toi d'ici bas je mate les signes. Dans les ambiances sales citadines, la recherche du hack c'est saldine. On vit comme des barbares en piétine. Avec tous ces bâtards qui calcinent. C'est quoi ces nouvelles stars qui bassinent? Nous sont les groupes phares dans les postes alpines à croire que c'est le brouillard. Dans leur planning, faut que je m'éloigne du troupeau et que je me faufile. J'ai pas la phrase populaire. Ici on te casse ta bouche, ni une boucave, ni un témoin oculaire. Jure, on débite mec, on te laisse les débris car les miens ont la rage. Et il faut bien que tout ça soit écrit. Je suis pas cette pute qui va tourner sa veste. Je suis pas ce type qui chlingue comme la peste, non. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ça marche au plus gros bénéfice. Si la vie est un film de boule, demande juste au SDF ce qu'ils en pensent au final. Catalogué optimal, on correspond lorsqu'on tape au terminal. On est solide, on tient le coup en général. Pas comme ce type qui se fait des sous dans une bagarre générale. Ok, c'est pas la peine de brailler mes phases. Écoute bien, je suis la bombe de Kargal. Chaque jour, je me décarcasse pour écrire des cesses sur ta paperasse. Pour exploser leur palais de glace, non pas pour pleurer les races. Chacun de nous traîne sa carapace. T'étais où toi pour parler à ma place? Avec des tantes tous qui pleurent dans des baratasses. Fais gaffe aux coups au port de masque. Fais gaffe aux coups qui laissent des marques. Fais gaffe au cas où si tu revois le mic. T'es câble mais t'es lassé. Tu veux qu'on parle mais tu restes caché. Tu veux qu'on batte mais tu restes effacé. Tu pètes un câble ou t'es lassé. Tu veux qu'on parle mais tu restes caché. Tu veux qu'on batte mais tu restes effacé. Tu pètes un câble mais t'es lassé.